Salut à tous, vous êtes dans Plus que du métal sur Radio Fadjet 94.2. Merci à vous d'être là. Et on commence avec vous venez d'écouter le dernier, le tout nouveau Sepultura Isolation. Qui pour un album qui est prévu l'année prochaine et ils ont déjà une date au Grass Pop. Pourquoi pas au Hellfest. Aujourd'hui, émission spéciale puisque j'ai réussi à aller interviewer les Lofofora chez Paulette. On écoutera cette petite interview tout à l'heure. Un autre gros événement est apparu et ça va être donc du coup l'album, un grand album qui s'est passé, c'est Rage Against the Machine, vous savez, qui se reforme. Donc nous allons parler de leur premier album, paru le 6 novembre 1992, du nom de Rage Against the Machine. Il faut savoir donc que c'est le premier groupe issu du clash rap hardcore, le son Rage, tout le monde le connaît, Killing the Name, Bomb Track. Mais ce qui ressort quand même de ce groupe, c'est cette voix de Zach de la Rocha, pleine de hargne, de rage. C'est ce qui fait donc connaître ce groupe précisément. Rien acheté sur cet album, hein. Ce que peu d'albums peuvent se vanter, toutes les pistes sont entraînantes, chacune son atmosphère, 9 chansons, 9 hits, 9 airs qui sont restés pour le tous intemporels. Et qu'est-ce qu'on va écouter? Killing in the Name, c'est parti! Don't you die? Killing in the name, Rage Against the Machine. Allez, pourquoi pas un petit pronostic Hellfest peut-être. Allez, bref, l'album de la semaine. Vous savez, une grosse interview Lofofora. On va vous parler de Vanité. Vanité qui est donc sorti le 8 novembre. 30 ans que Lofofora existe et ils ne paraissent pas lever le pied. Vanitus se situe à nouveau à la frontière entre le punk rock et metal, jouant avec la dynamique et la polyvalence de Renault. Il existe des plages d'une certaine ingéniosité qui coexistent sans peine avec la rugosité habituelle du groupe. Bref, Vanité rappelle plusieurs époques, notamment celle du récent L'Épreuve du Contraire, mais aussi la première moitié des années 2000. Un super album pour fêter les 30 ans de carrière. On va écouter un morceau. Bonne guerre, tout simplement. C'est parti. Bonne guerre donc de Lofofora. Donc nous allons écouter l'interview de Renaud et du groupe Lofofora. Ça a été réalisé le 8 novembre, donc le jour de la sortie de l'album Vanité, juste avant leur la première partie de leur tournée qu'ils sont en train de faire, c'était chez Paulette. L'interview donc se fait avec Renaud et moi-même. Allez, c'est parti. Allô, allô. Oui. Bah oui, ça marche très bien, regarde. Voilà. Donc bonjour, vous êtes dans Plus que du métal. Et ben aujourd'hui on reçoit donc, on reçoit pas, on est chez Paulette avec Lophophora. Salut. Salut à vous. Merci de nous recevoir. Avec très plaisir. Sympa. Aujourd'hui sort l'album Vanité. Exactement. Après 30 ans de carrière, en 2019, 30 on en ans est de là. Carrière, Vanité. Alors, avec Vanité, justement, vous revenez avec une énergie renouvelée un peu. Est-ce que c'était une forme de contre-réaction après Simple Appareil, qui était finalement un album qui était acoustique, quoi. Oui, c'était. Il y a des gens qui ont cru que c'était un virage, l'album acoustique, alors que c'était. Une parenthèse, j'ai même vu dans une chronique, le mec disait une respiration dans leur carrière, et je trouvais la formule plutôt assez adaptée, quoi. Et c'est évident que, après quasiment 2 ans entre la composition, la tournée de cet album acoustique, on avait vraiment hâte de remettre le gros son, quoi. D'accord. C'est quand même notre nature première de musicien, tout à fait, entre guillemets, ouais. D'envoyer la purée, donc c'est sûr qu'on avait du retard à rattraper. C'est peut-être pour ça que ce disque est. Un petit peu patate, un peu d'accord. Intense comme ça. Et ben justement, donc moi j'ai trouvé à l'écoute de Vanité qu'il était très dynamique, mais surtout très diversifié musicalement notamment, parce que en fait on peut facilement identifier du punk, du metal, du hardcore, des titres lents, des titres rapides, des passages agressifs, des passages mélodiques. Est-ce que c'est fait exprès cette diversité musicale entre les chansons, ou c'est venu en fait au fur et à mesure de l'élaboration de l'album? Ouais, c'est ça, c'est venu au fur et à mesure, hein, en fait. C'est vrai qu'on essaye, même si on a une patte, une façon de procéder, peut-être des tics aussi dans notre composition, mais on essaye quand même de faire ce qu'on n'a pas déjà fait, quoi. On n'a jamais essayé de se dire tiens, qu'est-ce que les gens préfèrent chez nous, et puis essayons de dupliquer ça à l'infini, quoi. D'accord. On est plus à vouloir nous se faire plaisir et pas s'ennuyer et faire des choses nouvelles, ça y contribue. Puis on pense que c'est en faisant ce qu'on aime que ce plaisir de jouer, puis cette musique va être communicative. Et on pense que c'est bien mieux qu'un plan de carrière ou qu'une étude de marketing, en fait, cette notion-là, quoi. Donc, du coup, vous seriez prêt à refaire des nouvelles tentatives d'acoustique, voire peut-être d'autres choses? Bon, pour l'instant, là, on est bien d'avoir retrouvé nos marques de musique un peu saturées. Et là, on s'y remet ce soir. Donc, tu vois, je sais que, par exemple, tu vois, pour Vincent et Phil... J'étais sur le bal des enragés dernièrement. Moi j'étais avec les tambours du bon, donc j'ai pu envoyer la dragée quand même avec d'autres copains. Mais notre Daniel à la guitare là, il en peut plus. Puis, c'est notre groupe, c'est là où on se sent le plus à notre aise et là où on peut envoyer le plus. Donc on a vraiment hâte de s'y remettre, c'est sûr. Donc on écoute aussi Vanité, si on écoute tous vos anciens albums et tout, moi ça m'a fait penser à diverses époques de votre carrière, notamment on va dire dans les qualités de l'épreuve du contraire en récent, ou voire même la première moitié des années 2000. Ouais. Est-ce voulu ça aussi? Ben non, vraiment pas. Hein. Non, mais je te dis, nous, chacun, quand on a décidé de recomposer rapidement, c'était un peu une demande de notre label. Quand on a dit qu'on voulait faire un album acoustique, ils ont fait ok, mais après, vite dans la foulée, vous nous refaites un album électrique. Et le truc nous a paru. Déjà, en fait, quand on a commencé à faire cet album acoustique, on s'est dit après, oh bah tiens, il y a Bugs Bunny qui passe par là. Ça pour l'histoire, c'est l'intro de Ultra Vomit. Ah d'accord. Et donc on s'est dit que déjà, je pense qu'au moment où on faisait l'album acoustique, on s'est dit qu'après on ferait un album très punk. Parce qu'on aime ça, parce que au-delà de la forme musicale, hein, c'est plus l'intention en fait, quoi. L'intention de faire quelque chose de direct. En fait, on s'est fié à nos instincts et on s'est vraiment pas posé de questions, dire tiens, faut mettre une petite dose du lofo de comme ci, une petite dose de comme ça. C'est tout ça est sorti naturellement. Après, il y a 2-3 compos que peut-être moi je trouvais un peu moins adaptés à la couleur des autres, qui sont restés un petit peu sur le carreau pour le moment, mais sinon, non, voilà, tout ça s'est élaboré d'une manière. Très naturel. Et si on parle de votre titre Les Seigneurs, qui est un peu folk blues finalement. Ah ouais, la petite partie au milieu là. Ouais, ouais. Ouais, c'est quoi ouais. ça? C'est un reste de simple appareil? Ouais, je sais pas, non mais prendre, moi je... Bah non, c'est venu pareil, ça vient naturellement. Enfin nous, on... il y a Phil qui a eu une bonne formule il y a quelques années, je crois que c'était après qu'on fasse l'album Monstre Ordinaire. Oui, il m'a sorti comme ça. De toute façon, avec Lofo, on a une formule inépuisable. C'est-à-dire que, en fait, on mélange tellement d'ingrédients, on se permet une telle liberté. Et puis maintenant, voilà, même si on va puiser dans des univers, on sait qu'on a notre patte personnelle, donc on en fera... Quoi qu'il en soit du lofo, moi je me pose pas de moins en moins. Non. Je me dis pas tiens cette façon de chanter, ça fait un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Et je me suis permis des trucs dans des refrains où c'est un peu plus enlevé que d'habitude. Bah je l'ai senti comme ça. Et on s'est fait confiance quoi. Donc je sais pas ouais le petit passage là un peu contenu là sur les seigneurs, je dirais. C'est plus une influence. Un mec qu'on adore par exemple c'est Mark Lanegan. Je sais pas si tu vois ce gars-là. C'est un type qui a chanté avec Queens of the Stone Age. C'est l'ancien chanteur de Screaming Trees. Et peut-être ce petit passage là, bah c'est peut-être ouais une petite influence comme ça, mais. Et encore, Phil n'écoute pas trop ça non plus, je crois. Mais d'accord. Voilà, donc voilà. Après, nous, on a vraiment beaucoup d'influences diverses. On n'a pas peur de... Parce qu'on serait étiqueté, tu vois, punk, hardcore, metal. Pourquoi, à un moment... Puis tu sais, on a tout... dès le premier album, on a aimé jouer avec des ambiances, tu vois. Sur le premier album, il y avait des ambiances reggae, des ambiances jazz, un peu jazzy. Voilà, on ne se met pas du tout de barrière avec ça. C'est ça qui est marrant, d'ailleurs. Alors ça, j'ai lu dans une de vos interviews que vous avez enregistré en analogique. Ouais. Alors que le numérique prend tout. Ouais. Et bah, pourquoi ce retour aux sources finalement? Bah parce que quand t'enregistres sur de la bande, notamment des batteries, une basse, une guitare, que tu rentres un peu, tu vois, que les aiguilles vont un peu dans le rouge, il y a une compression qui s'opère naturellement, qui n'est pas un plugin, c'est-à-dire un logiciel, tu vois, une application, comme on pourrait dire, qui va te donner une espèce de fausse chaleur vintage, c'est comme beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Là, tu as tout de suite, tu as la réalité du truc, quoi. Voilà, et avec Lofo, on n'a jamais voulu aller à tout prix vers le mur de guitare le plus impressionnant. On n'a jamais voulu être Metallica à la place de Metallica, ou Slayer à la place de Slayer, tu vois. Ouais. Je pense que chacun sa place. Et puis, le côté organique du son, quoi. Enfin, quelque chose finalement qui vient du blues. Hein. Ouais. Voilà, hein, tu vois, ce côté chaleureux, organique, quoi. Ou voilà, même si on est dans une ère numérique. Le rock'n'roll, c'est quand même un truc qu'il faut que ça suinte, faut que ça transpire, faut que ça sente c'est un ça. Peu des pieds, quoi. Sinon, mais c'est vrai, oui, sinon faut c'est du vrai. Bah voilà, en gros, que ça soit pas hyper calé, hyper parfait. Quoi. Bah ouais, non, mais c'est même pas. Oui, c'est ça aussi. C'est ça, notamment toutes les prises sur cet album, les basses, batteries, guitares ont été faites quasiment tout en live, quoi. D'accord. Donc du coup, on retrouve voilà une énergie qu'on pouvait avoir dans des vieux disques, quoi. Et je pense que finalement, bon, après je sais pas, hein, peut-être je suis déjà un vieux con pour dire les choses comme ça, mais j'ai l'impression que, tu vois, il y a des disques des années 70 qui ont beaucoup moins vieilli que certains des années 2000 déjà, quoi, tu vois. D'où le retour au vinyle d'ailleurs. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est un peu, nous on a toujours aimé ce grain un peu voilà, le côté un peu rugueux. On aime bien tous des groupes aussi un peu noisy, un peu, tu vois, avec des sons qui raclent un peu comme ça, et on n'avait pas envie de quelque chose de lisse, justement, quoi. D'accord. Voilà, ni d'artificiel, voilà. Okay. Ouais. Donc, comme je disais, vous êtes à vos 30 ans de carrière. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous dire que l'état d'esprit à l'heure actuelle, aujourd'hui, est le même qu'il y a 30 ans? Vous avez évolué, pourquoi est-ce que vous avez la même rage qu'il y a 30 ans, la même envie, les mêmes façons de travailler? Je pense qu'il n'y a plus grand-chose de pareil, parce que tu évolues, tu changes, ouais. La vie veut ça. Mais après, en ce qui concerne la trique qu'on a quoi, quand on monte sur scène, cette envie d'en découdre... Je crois que là on n'a pas du tout évolué. Tu vois, ce matin, on est monté dans le camion, quand on a rendez-vous sur le bord du périph', j'ai pas pu m'empêcher de crier comme un dingue. Il agissait que s'est tourné vers moi, il fait « va pas te casser la voix, notre ingé son », tu vois. Parce que voilà, on était comme des gosses, et putain, ça y est. Et puis tous, tu vois, on s'est un peu tous dit dans la journée « ah, ça y est ». On repart, on met ça, tu vois. Ouais. Tu sais, comme, je sais pas, t'as été en colo quand t'étais gamin, quoi, tu vois, le bordel qu'il y avait dans le bus, quoi. C'est un peu ça, Lofo. Tu vois, il y a quelques cinquantenaires dans la bande, mais On est toujours aussi couillons. Mais c'est bon. C'est bon. C'est rafraîchissant. Ouais, ouais, ouais, c'est, voilà. On a tout fait dans nos vies pour pouvoir se le permettre aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est un choix de vie, hein. Okay. Vraiment. Bah, génial. Ouais, ouais. Ça fait, en gros, les 30 ans de carrière, c'est que du bonheur, quoi. Bah ouais, ouais, ouais, ouais, oui, oui, oui, mais nous on n'a pas compté quoi, enfin tu vois, on continue à faire notre truc. J'ai dit tant que le désir est là, tant qu'on n'a pas l'impression d'aller au boulot, voilà quoi, on est heureux de faire ça et on essaie de le partager, de le communiquer quoi. Super. Ouais, parce que ça reste quand même une fenêtre un peu, tu vois, dans un monde un peu formaté, un peu, tu sais, surbondé de tout, où tout est prévu à l'avance, tout doit être calibré, tout, tu vois, les gens. T'as l'impression finalement, même s'ils sont toujours à l'affût de nouveautés, de trucs, mais en fait, ils n'aiment pas tant que ça l'imprévu finalement, tu vois. Et ce côté face à face, se transpirer dessus, leur, tu vois, et puis voilà, et puis péter un peu un câble à plusieurs centaines de personnes pendant un concert de rock, ça reste quand même une espèce de petite lucarne de liberté, tu vois. Et voilà, nous on est là pour entretenir ça, que la lucarne ne se ferme pas. on est préposé au courant d'air. Mais... alors moi je vous ai dit Hellfest cette année. C'est toujours très bon. Enfin, le Fofora, c'est la scène. C'est ouais, scène. Ouais. Les albums, il faut dire ce qu'il y a, bien entendu. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? C'était une journée spéciale française, au final. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, j'étais assez surpris pour vous dire que vous soyez. C'était 14h. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, en fait, qui était vraiment. Parce que je pense que vous connaissez tous. Oui, en fait. Bah, tous les groupes. Je sais que vous avez fait. C'est toi hein, qui a été chanté avec les Massistaria sur l'album Matière Noire au Trianon. Ouais, exactement. Hein, ouais. Donc vous connaissez tous, ouais, parce que ça vous fait de passer une journée ensemble. En fait, tu passes pas du tout une journée ensemble parce que tu vas au Hellfest, chacun. Donc ceux qui passent tard le soir, ils sont tellement pris par le fait qu'ils vont faire un show, il y a 50 000 trucs à régler, puis en fait chacun est super pris pour faire de la promo toute la journée quoi. En fait nous on est arrivé à 10, je sais pas, assez tôt, vers 10h du matin sur le site, les copains ont vu le matos, commencé à monter le matériel derrière. Moi je me suis dit bon bah là c'est le moment où je peux aller faire un tour sur le site. J'ai été voir deux trois groupes, j'ai été visiter le site nouveau que j'avais pas vu. Après on a fait le concert, puis après j'ai enchaîné des interviews, puis le soir je devais rentrer chez moi, donc tu vois, donc voilà, non c'est pas mes, voilà, après s'ils ont fait une scène française, bah, je pense que tout le monde était un petit peu flatté de ça, c'est toujours flatteur de jouer devant, d'avoir autant de monde devant toi quand tu joues, c'est voilà. Et vous finalement, parce que vous jouez aussi sur une grande scène, ouais, quelque part, ça vous a fait quoi Bah écoute, ça nous fait pas pareil à tous, moi je suis un peu le moins bon client de ce genre de truc, quoi. Ah ouais, donc toi tu préfères des petites scènes, comme ce soir, y a pas photo, hein. C'est vrai. Ouais, j'ai pas de ressenti de concert sur les grands trucs comme ça. Ah, pour moi, c'est complètement abstrait. Ou alors, il faudrait que je sois dans l'optique d'essayer, tu sais. Chaque groupe, on n'a pas la même vision de ce qu'on va donner sur scène. Il y a des gens qui essayent de faire un show le plus carré possible et d'essayer de jour en jour de s'approcher le plus près possible du show tel qu'ils l'imaginent, tel qu'ils aimeraient qu'il soit conçu. Nous, on est bien plus punk que ça et on aime composer avec l'instant, avec l'ambiance du moment, avec notre humeur du moment, avec s'il peut se passer tout, n'importe quoi, et c'est un peu ce côté funambule qui m'excite, et quand t'as les gens aussi loin, et puis c'est plus, tu vois plus des têtes ni des yeux, tu vois une espèce de marée humaine, ça devient un peu abstrait, donc l'échange est assez limité avec le public, donc j'ai moins de, c'est comme si j'avais moins d'os à ronger, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien, tu cherches plus en fait la proximité. Ah, mais je préfère ici, là, comme où là, t'as les gens, t'as leur tête à 50 cm, là, c'est. Le public devient un, en fait. Ouais, c'est ça, ça devient impersonnel, alors que moi. J'ai un truc, je sais pas faire autrement. Quand je suis dans une salle de s'il y a jusqu'à 1000-1500 personnes, je pense que pendant le show, je vais avoir vraiment, je vais regarder tout le monde une fois dans les yeux, quoi, parce que je sais pas, je veux dire à chacun qu'on est là pour lui aussi, quoi. Okay. C'est un truc complètement inconscient, mais que j'ai remarqué avec le temps, quoi. Et une chose qui est impossible à faire quand ils sont 30 000, 40 000, forcément. Voilà. J'aurais une dernière question là, au sujet de la pochette de Vanité. Ouais. C'est une superbe pochette, donc je me suis un petit peu renseigné. Cool. Et la Vanité, donc le titre, donc, c'est un genre pictural appliqué aux natures mortes, évoquant différents éléments symbolisant la vie, la nature, l'activité et la mort. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc pourquoi tout ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, quelque part? Bah parce que le but de ces œuvres-là, en fait, c'est de rappeler aux que le monde ne tourne pas autour de son nombril, qu'il faut prendre du recul face aux choses, et puis que la vie est quand même fragile et éphémère, donc c'est bien de pas en faire n'importe quoi, ni de péter plus haut que son cul, et voilà. C'est un peu, non, mais je le dis avec des mots un peu vulgaires comme ça, mais c'est en fait le but de ces œuvres, quoi. C'est de rappelle-toi, c'est des memento mori, un peu, rappelle-toi que tu vas mourir, donc un peu d'humilité, s'il te plaît, mon garçon, voilà ce que veulent dire. Et quelque part, je trouve ça colle assez bien à ce que, à la mission de l'Ofofora, et particulièrement au contenu de cet album-là, quoi, au thème abordé. Voilà la manière dont on a l'angle qu'on a pris pour ce disque. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, quoi. C'est pas de donner des leçons, c'est pas tirer l'oreille, hein. C'est juste voilà un reflet, quoi. Voilà. Donc voilà, souvent on me dit chanteur engagé, moi je plus ouais, j'ai un mec qui m'a dit chroniqueur social, je vois plus un peu le truc un petit peu comme ça, quoi. Donc nous on n'est pas là pour voilà, on aime bien poser des questions, mais c'est un espèce de reflet de la société, du monde dans lequel on a l'impression de vivre. Et puis c'est un peu ça qu'on a envie, voilà, comme je te disais tout à l'heure, cette lucarne là un petit peu vers un peu moins se prendre au sérieux, un peu moins se prendre pour le centre du monde, un peu plus penser que on n'est pas seul au monde non plus, quoi, tu vois. Voilà. Même si chacun a l'impression d'être le centre de son monde, c'est pas la réalité, quoi. Donc il faut un peu des fois reprendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça. Donc c'est un peu le sens de ce disque, de cette pochette et des vanités. Okay. Voilà. Dernière question, content de repartir en tournée. Oh, ouais. Ça vous pèse pas trop quand même à la fin de la tournée? Vous faites beaucoup de dates encore, ouais, là. Ouais. Et donc là, on te sent bien très joyeux. Ouais, ouais. On sent que c'est la première. Ouais, ouais. Mais après, à la fin. Bah, je sais pas, j'espère qu'on reviendra par ici dans la. Puis tu viens. Ah, bah, d'ailleurs, je te réinvite à la fin de la tournée, c'est une date au printemps, à l'été. Je crois que vous. Non, je crois pas. Et puis enfin, on va passer au Val d'Ajol à Narcisse. Eh ben, viens là-bas. Bah, non, ça sera pas encore la fin. Non, ça sera pas la fin. Mais ça sera déjà bien avancé. Et... Non, je pense que. Après, bah, il y a des jours où tu es plus ou moins crevé, forcément, mais jamais on tire la patte pour monter sur scène, quoi. Non. C'est ça. Non, mais non, on aime trop jouer de la musique ensemble, notre groupe, nos morceaux, même si le contexte il est pourri. Je sais pas, ça peut arriver, hein, des endroits où tu es là, bon. T'es pas super bien reçu, le matos c'est pas top, la bouffe est dégueu, ça arrive, hein. Mais les gens sont là, quoi. Donc, et puis t'es avec ton groupe, tes potes, donc bah, tu fais tout pour passer un bon moment, sinon on rentre chez toi, quoi. Voilà. Faut pas, on n'est pas là pour mentir. Hein. Et bah, on fait du spectacle, mais pas que. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, je vais pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est vraiment super sympa. Et puis, bon concert. Merci et bonne tournée. Merci beaucoup. Ouais. Et voilà, donc c'était l'interview de l'Ofofora, de Renaud aussi, super sympa, encore merci beaucoup à vous de m'avoir reçu dans les loges juste avant le concert de chez Paulette, c'est un très très bon moment, très très très accessible, donc vraiment bien, bah, du coup on va écouter le venin, hein, allez c'est parti le venin. Maîtrise, rien tu parles, une grenade dans Le Venin, le Fofora, donc écoutez bien cet album, c'est vraiment un très très bon album, rien acheté, et voilà. La prochaine rubrique, eh ben, c'est tout simplement les prochains concerts, mercredi à l'autre canal, Massisteria, après avoir enflammé le Hellfest, eh ben, ils vont enflammer l'autre canal. Le 21-11 à la Rocale, on a Delaine. Bon, c'est toujours très sympa à écouter, hein, pourquoi pas. Le 2 décembre, on a les Amon Amarth qui passent aussi à la Rocale. Et le 6, on a Max et Igor Cavalera, qui est toujours à la Rocale d'ailleurs, hein, on parle beaucoup de choses à la Rocale au Luxembourg. Donc ils vont passer pour reprendre leur plus grand tube de Refuse to Resist à Roots. Et le 8-12, enfin, chez Paulette, on a Sonata Arctica. Du coup, nous allons passer à la rubrique, c'est pas du métal, mais ça reste un petit poil du métal. On a Sons of Apollo, donc qui on va passer Sons of Apollo, qui ont repris une chanson, très belle chanson d'ailleurs, des Pink Floyd, Comfort Me Numb, avec des solos de guitare en faire pâlir David Gilmour. Ben, faites-vous-en une idée, vous allez voir. C'est parti. Basic. basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain. Just say. Sons of Apollo, Comforting Number, reprise des Pink Floyd avec des solos de gratte fleuve. Très beau morceau. Alors, qu'est-ce qui sort là? Qu'est-ce qui sort bientôt? Eh ben, le 6 décembre, nous avons un live de Nightwish. Le 22 novembre, on a Hypnose, Distant Dark Source. Le dernier Avatarium va sortir, The Fire I Long For, le 22 novembre aussi. Le 29, nous avons le groupe israélien Mirat, qui sort aussi un live, Live in Carthage. Et là, qu'allons-nous écouter? Nous allons écouter, alors malgré une actualité avec Rammstein assez conséquente, on peut dire que Till Lindemann réussit quand même à sortir un album solo le 22 novembre. Nous allons écouter. Bon, c'est un peu calme, vous ferez une idée, hein. Das Meer. Ich mag den Himmel, schau den Wolken hinterher. Ich mag den kalten Mond, wenn er voll und rund. Und ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund. Ich mag volle Gläser, die Straßen, wenn sie leer. Ich mag die Tiere, Menschen nicht so sehr. Ich mag dichte Wälder, die Wiese blühen sie bunt. Und ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund. Das Leben ist einfach, einfach zu schwer. Es wäre so einfach, wenn es einfacher wär. Ist alles Bestimmung, hat alles seinen Grund. Und du bist ganz still, hast deinen Knebel in dem Mund. Ich mag die Tränen auf deinem Gesicht. Ich mag mich selber nicht. Das Herz ist gebrochen, die Seele so wund. Und du schaust mich an mit einem Knebel in dem Mund. Das Leben ist traurig, das Leben ist schwer. Ich würde es mögen, wenn es einfacher wär. Die Welt dreht sich weiter, die Erde ist rund. Um dich dreht sich nichts, hast einen Knebel in dem Mund. Till Lindemann, Knebel, album qui sort fin de semaine, hein, du coup c'est une nouvelle assez fraîche. Il y a un autre groupe aussi qui vient de sortir un live pour leur dernière tournée, c'est nos amis les Slayers donc, qui vous savez ne tourneront plus, ont sorti donc un super album live, on écoute Rip and Class. We'll be right back. Slayer Repentless, nouveauté live donc. On y trouve une autre nouveauté, Workshed on Stick of Mood. Et ben on y va, c'est parti. Workshed, Workshed on Stick, on Sticks of, of Wood. Et ben voilà, donc plus que du métal commence à se finir, hein, tout doucement. On va se retrouver le lundi 9 décembre, toujours le deuxième lundi du mois, rappelez-vous. Hein. En attendant, il y aura quand même l'affiche du Hellfest qui aura été dévoilée. On en parlera peut-être un petit peu plus le mois prochain. Et puis en attendant, écoutez bien du métal, écoutez bien de la musique. Et puis au mois prochain, allez. Ciao, ciao.